Sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, dans une chaise longue, à la pêche à pied, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, des virus suivis à la trace, une série de Michel Pomared réalisée par François Teste. Au départ de cette série, il y a des épidémies légendaires. Il y a ces mots qui font froid dans le dos, virus, microbes, bactéries, parce qu'ils sont partout et invisibles, inoffensifs ou redoutables, sur nos mains, sur nos proches ou sur les poignées de porte. Et il y a la vieille peur de la peste. Alors pour commencer, les personnages. Des médecins au long bec, un chercheur qui creuse de vieilles dents, une historienne de la médecine, un conservateur de musée, un évêque qui s'en remet au ciel et des virologues prêts à tous les scénarios. Ensuite le décor, le cours Belzins lance de la quarantaine, un musée vide, l'hôpital de la Timone, des charrettes remplies de corps, la colère de Dieu, du girofle du romarin et toujours les rats, les puces et les poux. Aujourd'hui, premier épisode, on est à Marseille. Des virus suivis à la trace. On est en 1720 et on prend pour exemple le mois d'août. Le mois d'août 1720, 1000 morts par jour. Il fait très chaud, il y a de temps en temps du mistral. La notion de famille n'existe plus. Hein, vous avez des morts, on les jette, on les prend, on les balance du troisième étage ou du deuxième étage, ils s'écrasent en bas, que ce soit le père, la mère, la fille, tout le monde y passe, ils sont en bas dans la rue, et là il y a le soleil. Et le soleil va commencer à faire mûrir, hein, les corps vont se disloquer. Quand on retirait le corps, eh ben, on retirait le corps, mais il y avait le bras qui partait, etc. C'était épouvantable. Hein, et c'est, les corps s'entassaient sur un mètre ou deux mètres le long des rues. Il y a la vue, il y a le son. Le son, c'est quoi? Ce sont les charretons qui passent la nuit et on va prendre les morts, on va les entasser et on va les, ensuite les déverser dans les fameux charniers que l'on trouve. Juste devant ces charretons, il y a des personnes qui sont, je dirais, costumées, hein, et qui vont annoncer avec une clochette, qui vont annoncer le charreton qui arrive pour retirer, pour enlever les morts de la rue. La peste, fléau d'hier, péril d'aujourd'hui. Michel Pomared, François Teste. Rémi Barbieri, vous êtes étudiant en thèse de paléomicrobiologie. Le sujet de votre thèse, ici à Marseille, c'est quoi? Donc c'est d'essayer un petit peu de retracer l'épidémiologie ancienne et les sources historiques de la peste dans le bassin méditerranéen et notamment à Marseille. La peste de 1720? Entre autres, oui. Vous avez quel âge? 26 ans. Pourquoi est-ce qu'à 26 ans vous faites une thèse en gros sur la peste en 2017? D'accord, parce qu'il faut savoir que la peste c'est toujours en fait une maladie d'actualité. Donc elle est présente partout dans le monde sauf en Europe. Elle est présente notamment au Congo, à Madagascar, il y a même des cas aux États-Unis. Et c'est des choses qu'il faut arriver à comprendre pour essayer de prévenir de nouvelles épidémies qui pourraient éventuellement se reproduire en Europe. Là, on est où ce matin? Donc on est au musée des Beaux-Arts de Marseille, qui se situe dans le parc Longchamp. Et à l'intérieur, il y a quoi? Il y a des tableaux notamment d'un peintre, Michel Serres, un peintre marseillais, qui a peint des scènes de la peste car il l'a vécu. Puisqu'il est mort en 1733, il a été contemporain de cette peste-là et il y a survécu, à la peste de 1720. Luc Gerget, vous êtes le conservateur du musée des Beaux-Arts ici à Marseille, un musée actuellement fermé, mais qui contient, au sujet de la peste, des tableaux de grande valeur. Alors, ces deux œuvres, elles sont là. Oui. Donc, vous voyez deux toiles monumentales. La principale, la vue du cours L'actuel cours Belzunce pendant la peste fait près de 4 mètres de long, c'est des œuvres de plus de 3 mètres de haut. La seconde, la vue de l'hôtel de ville pendant la peste. Ça, Luc Gergé, vous dites que c'est le cours Belzunce, mais à l'époque ça ne s'appelait pas cours Belzunce. Ça s'appelait le cours, voilà, tout court. C'est un document qui est destiné à montrer au public les grands personnages de la ville venant au secours de la population. Est-ce qu'on peut les nommer ? Il est très difficile maintenant de les désigner exactement, à part le plus célèbre qu'on reconnaît très facilement, qui est au centre de la composition, Monseigneur de Belzunce, vraiment au centre de la composition, et lui a véritablement joué un rôle très important dans les événements donc de la peste, comme soutien au moins moral aux malades et aux survivants. Et donc on le voit ici bénir des pestiférés, donc au cœur de cette scène terrible où les autorités religieuses apportent leur soutien aux malades et les autorités civiles reconnaissables, elles sont tout à cheval, avec leurs uniformes, leurs vêtements assez riches, donc se chargent de la grande affaire qui est l'évacuation des corps qui jonchent tout le centre-ville. Alors, le Monseigneur Belzunce, description physique, comment est-ce qu'il est habillé ? Son visage et peut-être aussi la lumière qui est sur lui alors que l'ombre a gagné les mourants. Il a ses vêtements ecclésiastiques, donc d'évêque, il est parfaitement reconnaissable, ce visage assez rond, cette perruque, et il est vraiment là au centre de la composition. Le malade est représenté avec une peau verdâtre, grise, donc pas en bonne santé, et de très nombreuses scènes. Enfin, le peintre mêle des scènes qui se sont très certainement passées, tout à fait réalistes, l'évacuation des cadavres dans les chariots, ce dont on sait par les textes, les cadavres évacués des parties supérieures des maisons par des cordes descendues donc dans la rue. Dans l'hôtel de ville, on voit un petit nourrisson qui tète le sein de sa mère morte. Ça, c'est une iconographie tout à fait traditionnelle qui est là pour exprimer l'horreur des scènes auxquelles ont assisté et ont vécu les Marseillais. Rémy Barbieri, cette peste qu'on a voulu freiner en construisant un mur, le mur de la peste, s'est répandu en Provence, oui, bien sûr. Bilan, 120 000 morts. Voilà. La peste, en fait, est la seule maladie au Moyen-Âge et à l'époque moderne que l'on pense d'origine divine. Parce qu'elle est tellement violente qu'on n'arrive pas à la comprendre. Donc c'est quelque chose qui ne pouvait se régler que par la prière, et c'était pour les gens de l'époque un châtiment divin. Ce qu'on appelait les médecins de la peste, aussi tant bien que mal aussi d'endiguer l'épidémie, donc avec plusieurs traitements, avec du camphre, des fumigations, des éponges imbibées au vinaigre. À l'époque, on pensait que la peste était liée en fait à des miasmes, à l'air pestilentiel. C'est vrai que les médecins étaient assez impuissants devant ça aussi. Rémy Barbieri, si on devait peindre un autre personnage qui circule à ce moment-là dans les rues de Marseille, c'est les hommes avec une tête de corbeau. Derrière ce bec qui les protège, girofle et romarin. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils pensaient que ça venait d'un air impur. Et ces herbes aromatiques étaient là, dans ce grand bec, pour essayer un peu de filtrer, de purifier cet air. Elisabeth Carniel, vous êtes directrice de recherche à l'Institut Pasteur et votre objet d'étude favori, c'est la peste. Si on reprend la chronologie, la première fois que l'on parle de cette bactérie, c'est entre 741 et 767. On la nomme alors peste de Justinien. Justinien, c'est l'empereur romain byzantin. D'où vient cette peste ? La route qu'elle a suivie exactement ne sait pas. Ce qu'on sait, mais c'est tout récent en fait, c'est qu'on l'avait attribué à la peste a posteriori, mais bien sûr on n'avait pas isolé le bacille à l'époque, donc on n'avait aucune preuve. Des études encore plus récentes de paléomicrobiologie permettent maintenant de faire remonter les épidémies de peste à l'âge de bronze. Mais ce bacille, est-ce qu'il venait d'Égypte ou d'Éthiopie? Alors, en remontant dans le temps, ce qu'on peut dire, c'est qu'a priori, l'origine, là où le bacille de la peste a émergé, ce serait en Asie centrale, il y a environ 5000 ans. Les bactéries, d'habitude, quand on en parle, c'est des millions d'années, des centaines de millions d'années même. Dans le cas de Yersinia pestis, c'est 5000 ans. Donc c'est une bactérie extrêmement, extrêmement jeune, beaucoup plus jeune que tous les autres pathogènes connus jusqu'à présent, et donc qui aurait émergé en Asie centrale. Ça, c'est pour la première vague de peste. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la peste noire, et elle déferle en Europe entre 1347 et 1352. Elle aurait, a priori, détruit un tiers de la population d'Europe en 2-3 ans. Troisième épidémie de peste, 1720-1722, à Marseille. Et là, il y a deux théories qui s'affrontent. Un, cette peste aurait pris le bateau, le grand Saint-Antoine. Deux, cette peste aurait attendu, en fait, cachée quelque part pour réémerger. Expliquez-nous ces deux hypothèses, Elisabeth Carniel. Il y a effectivement, comme vous dites, deux hypothèses. L'une, c'est la réimportation par le grand Saint-Antoine, et l'autre, c'est un maintien de la peste localement. Je dirais que je suis beaucoup plus en faveur de la première hypothèse du Saint-Antoine, parce que malgré tout, les données historiques ont été quand même très fiables, puisqu'avant qu'on puisse isoler le bacille, on savait déjà que c'était la peste qui avait eu lieu du temps de Justinien, on savait que c'était la peste en 1348, donc en 1720... Les descriptions qui sont faites de l'arrivée de ce bateau, des cas qui surviennent derrière continuent ensuite, et telle que la description historique me paraît très très fiable, et les données scientifiques me paraissent beaucoup moins solides. Le 25 mai 1720, Michel Goury, un bateau chargé de balles de coton et de tissus arrive à quelques encablures du port de Marseille. Le nom de ce bateau ? Alors, il s'agit du vaisseau. C'est un vaisseau, c'est le Grand Saint-Antoine, qui est de fabrique hollandaise. Donc, il arrive à Marseille le 25 mai. À bord, il a une cargaison qui est très riche, de soieries, d'indiennes, de coton. Tout ce qu'il faut pour aller vers la foire de Beaucaire, qui n'est pas très loin, c'est à côté, et puis c'est le 14 au 27 juillet. Alors donc, il arrive. Très riche, Michel Goury, oui. Ça veut dire 100 000 écus, c'est ça la valeur ? C'est 100 000 écus, c'est un tournant pour les propriétaires du bateau, qui sont quatre. Il y a le Estelle, le premier maire, si vous voulez, le Jean-Claude Gaudin de l'époque, et puis trois autres personnes, un négociant, le capitaine Château, qui est le capitaine du bateau, ainsi que son beau-frère. Donc on sent quand même déjà qu'il y a une... Ils se connaissent tous, puisque le maire est le parrain de la fille du capitaine. Donc là, on va déjà dans la petite histoire, alors que nous sommes dans la grande histoire. Michel Goury, on vient d'entrer à l'intérieur du musée d'histoire de Marseille. En face de nous, qu'est-ce qu'on voit ? Vous avez une belle aquarelle. Cette aquarelle représente une des îles de l'archipel du Frioul et représente l'île de Pomègue. Et l'île de Pomègue a une caractéristique, c'est qu'elle a une anse. Et dans cette anse, on l'appelle l'anse des quarantaines. C'est un lieu où les bateaux venaient faire quarantaine, les bateaux et les équipages, pour justement protéger la ville de la peste. Est-ce que le capitaine du Grand Saint-Antoine en 1720 obéit à cette règle ? Le 25 mai, il a fait tout ce qu'il fallait pour aller directement au port de la quarantaine. Il doit mouiller d'abord à l'extérieur du port de la quarantaine. Il sait qu'à bord, il a eu 6 morts. Après, il en aura d'autres. 6 morts. Le capitaine s'est dit, si jamais j'arrive à Marseille, en précisant que j'ai eu 6 morts à bord, le bateau ne fait pas quarantaine à cet endroit-là, mais fait quarantaine un petit peu plus à l'extérieur de Marseille, une île qui s'appelle l'île de Jarre. Ce sont les lieux de quarantaine des bateaux pestiférés, entre guillemets. Là, il sait que la cargaison est complètement fichue, puisqu'on va la mettre sur l'île. Il y a du soleil, il y a du vent, etc. Tout va être perdu. Il faut qu'il donne une raison de ces morts qu'il a eues à bord. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller au port de Livourne, en Italie, port de quarantaine, et le chirurgien, le barbier, le chirurgien de l'époque, va écrire, va définir un certificat de santé en disant que les morts qui sont morts à bord du bateau durant Saint-Antoine sont morts de mauvaise alimentation. Et à ce moment-là, il a une raison. Il peut rentrer sur Marseille, il peut rentrer au port de la quarantaine, il peut faire sa quarantaine, il sait que la cargaison sera sauvée pour l'instant. Michel Goury, on pourrait résumer l'épidémie de peste de 1720 en une formule. 100 000 écus sauvés dans les étoffes, un mois et demi après, 120 000 morts. 120 000 morts, si vous voulez, avec toute la région. Mais à Marseille, il y en a eu 48 000, sur une population de 90 000. Les 48 000 morts, on les aura mis dans des charniers que l'on trouve encore. À Marseille, quand on fait un trou, c'est ou bien du grec, du romain, ou un charnier, de toute façon. Changement de décor, Rémi Barbieri, où est-ce qu'on est? Donc là, on est à la faculté de médecine de Marseille. Et on va où? À l'URMIT, donc laboratoire de recherche maladies infectieuses et tropicales, donc là où je fais une partie de ma thèse. Mais qu'est-ce qu'il y a encore à chercher en 2017 qui n'a pas été mis à jour par rapport à une épidémie qui date de 1720? Bah, en fait, en regardant les données épidémiologiques modernes, on se rend compte que la peste est beaucoup plus compliquée que ce qu'on a voulu en dire. Et en fait, c'est quelque chose qui mérite d'être réinvestigué parce que il y a des points qui posent débat et qui ne sont pas encore très clairs sur les moyens, par exemple, de transmission de la peste avec les rats, les puces, ou encore sur la manière dont certaines formes de peste se transmettent d'homme à homme. On s'est rendu compte qu'il fallait un petit peu essayer de prendre du recul sur ça, d'avoir une vision historique, une vision globale, une vision paléomicrobiologique pour essayer de mélanger justement ces deux disciplines et d'arriver à sortir quelque chose de nouveau. Donc vous faites un travail de détective ? Un petit peu. On est à l'intérieur de la faculté de médecine et on se dirige vers le laboratoire qui se situe tout au bout du couloir. Vous vous donnez combien de temps pour boucler votre thèse? 3 ans. Il faut que la thèse soit finie en 2019. Donc juste avant les célébrations des 300 ans de l'arrivée de la peste à Marseille. C'est ça. Ça serait un joli clin d'œil d'arriver à faire une belle recherche pour pouvoir la livrer à cette date-là. Donc là, on est dans la partie anatomie de la fac de médecine, donc avec des vieilles plastinations, des morceaux de corps qui ont été conservés avec de la cire qui date du 19e siècle. Voilà, c'est un peu la partie historique du musée, la fac, pardon. Et là, vous nous amenez Rémi Barbieri dans votre bureau à la recherche de quoi? Alors, dedans, justement des charniers de pestiférés de 1720. Donc, en fait, quand on récupère les dents, on va les couper en deux à l'aide d'une scie circulaire pour extraire la pulpe dentaire. Donc, en fait, la pulpe dentaire possède de nombreux avantages par rapport à une étude sur des ossements. C'est-à-dire qu'elle est protégée par l'émail et la dentine, donc ça reste un cocon qui est, on va dire, relativement préservé des contaminations extérieures. Et en plus, on sait que la pulpe dentaire est énormément vascularisée, donc est composée en partie de sang, et la peste est une maladie à diffusion sanguine, donc c'est là qu'on va pouvoir vraiment bien la détecter. C'est-à-dire qu'au sein de la pulpe dentaire dans ces mâchoires, il y a Yersinia pestis. C'est ça. La bactérie est toujours là. Elle n'est plus active, évidemment, après plus de quasiment 300 ans, mais elle est là. L'ADN est dégradé à l'intérieur. Et nous, le jeu, ça va être d'arriver à la trouver. Et en fait, on utilise ces dents comme des témoins positifs pour essayer de développer une nouvelle méthode de diagnostic de la peste ancienne. Ça, on pourrait dire que les dents, c'est des archives biologiques. Exactement. Vous avez des archives picturales, des archives biologiques. Et la troisième source d'archives, c'est des archives papier. Vous allez régulièrement aux archives municipales. Cherchez quoi, Rémi Barbieri ? Ce qui nous intéresse, comme je vous l'ai dit, en fait, ce sont la possibilité d'une réintroduction de la peste en Europe. Donc ce qu'on essaye de regarder, ce que j'essaye de regarder aux archives, en fait, sont ce qu'on va appeler les patentes de santé. On peut délivrer une patente nette, c'est-à-dire que le bateau ne présente aucun signe suspect d'épidémie ou de maladie, ou une patente brute, ce qui veut dire que le bateau est contaminé. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est justement, on va essayer de faire l'inventaire de tous les bateaux contaminés qui sont arrivés des échelles du Levant ou d'Afrique du Nord à Marseille, de faire un inventaire de leurs marchandises, pour voir si cela est dû aux hommes, aux marchandises, aux animaux, voir s'il y a quelque chose qu'on retrouve à chaque fois qui se dégage de statistiquement significatif dans les marchandises de ces bateaux-là. On travaille de 1700 jusqu'en 1920. Passé, le commerce reprend et rebondit d'une part avec la Méditerranée et aussi avec les océans. Et cette ouverture océan en quelque sorte culmine. Michel Goury, dans la vitrine à côté, cet instrument-là très oblong, c'est quoi ? Alors ça, c'est du temps de la peste. Alors tout ceci a été récupéré à la consigne sanitaire, à la DAS. C'était à la fois les médecins, les chirurgiens et les prêtres, tout ça. Alors les prêtres, quand il fallait donner l'extrême onction, ben, on n'allait pas donner son petit, comme ça, l'hostie, on n'allait pas. Donc il y avait porte-hostie et à distance, on donnait. On essayait de se protéger déjà. Donc un porte-hostie qui fait au moins 1,50 m de long. Voilà, et télescopique. Donc à distance, on donnait l'hostie à la personne qui était en train de mourir. Et puis vous avez les chirurgiens, qui ne sont pas les bons chirurgiens que l'on a, c'était la classe supérieure des barbiers, si vous voulez, avant les médecins, parce qu'il y a une hiérarchie. On voit ces espèces de petits couteaux, ben, tout simplement parce qu'eux se protégeaient à distance aussi, et on incisait les bubons. Et là, c'était vraiment la marque que la personne avait la peste. Hein. Donc au début, on incisait, puis vous aviez un jet noir qui sortait, puisque c'est une septicémie. Hein. Donc voilà, tous ces objets, ce sont des objets de chirurgiens d'époque. Michel Goury, est-ce que Monseigneur de Balzens, célébré dans les tableaux de Michel Serres, utiliser aussi un bras télescopique pour donner l'hostie, lui qui a été auréolé d'une gloire incroyable au moment de la peste. À mon avis, il était les bras comme ceci, en l'air, et non pas en bas, comme la statue, si vous voulez. Alors la statue, c'est quoi ? Parlons-en. Ben, la statue, je crois, elle était faite dans les années 1853, il me semble. Il fallait montrer les sauveurs de l'époque, et Monseigneur de Balzens en a été un à sa façon. Hein, si vous voulez, hein. Donc ce que l'on retient, outre le fait qu'il a fait... Il a fait jouer du violon aux Marseillais pour que le fléau disparaisse. On a mis des foyers, on a fait des foyers devant chaque maison. On est passé par des formules de perlimpinpin. Et puis... Girofle et romarin. Voilà. Et puis, à un moment, il est allé aux Acoules, hein, l'église qui est dans le quartier du Palmier. Il ne reste plus que le clocher. Et en haut, ben, il a béni tous les Marseillais qui étaient là en disant... Il a prié Dieu, parce que c'est tout ce qu'on savait faire. On appelait ça l'ire de Dieu, la colère de Dieu, de toute façon. Hein. Mais pour Balzens, effectivement, il a les bras en ballant, comme s'il ne pouvait rien faire. Donc le Marseillais, si jamais il a quelque chose, on lui demande quelque chose et qu'il ne peut pas le faire, eh bien, il va dire, va voir Monseigneur Balzens. Et puis voilà, mais c'est dans toutes les villes, c'est comme ça. Hein. Et hoc manifesté vidimus in illa ingenti et inaudita mortalitate En 1720 à Marseille, pour décrire les symptômes de la peste, on relit encore la grande chirurgie écrite en latin en 1363 par Guy de Chauliac au moment des ravages de la peste noire. Une grande chirurgie que nous décrypte l'historienne spécialiste de la médecine médiévale, Daniel Jacquard. Donc, existait pas. Et non displiceat, quia propter ipsius mirabilitatem et previdentiam, si iterum accideret narabo eam. Peut-être vous traduire. S'il vous plaît. Donc, nous avons manifestement vu les apostèmes internes être dangereux en la grande mortalité et tel qu'on a ouï parler de semblable, laquelle apparut en Avignon l'an de notre Seigneur 1348, en la sixième année du pontificat de Clément VI, au service duquel j'étais pour lors, de sa grâce et moi indigne. Et ne vous déplaise si je la raconte pour sa merveille et pour y pourvoir si elle veut donner des réchefs. Donc il nous explique ensuite que la mortalité, comme il l'appelle, commença au mois de janvier et dura 7 mois à Avignon. Et qu'il y en eut de 2 sortes. Et c'est là, disons, par rapport aux autres textes qui nous ont parvenus, c'est là l'intérêt du texte de Guy de Chauliac. La première donc sorte dura 2 mois, avec fièvre continue et crachement de sang. Et on mourait dans 3 jours. Donc c'est la phase pulmonaire, et là c'est le seul témoignage que nous ayons sur cette phase. La seconde fut tout le reste du temps, donc 5 mois, aussi avec fièvre continue, et apostème et anthrax aux parties externes, principalement aux aisselles et haines, et on en mourait dans 5 jours. Daniel Jacquard, cette grande chirurgie écrite par Guy de Chauliac en 1363, ça ressemble à un catéchisme chirurgical. Est-ce qu'à un moment, il parle de la cause de cette grande mortalité, donc la peste, comme d'une punition divine ? Non. Alors, pour Guy de Chauliac, concernant la cause, ce qui est intéressant, disons qu'il nous raconte que certains disent que ce sont les Juifs qui ont empoisonné tout le monde, n'est-ce pas, et qu'on les tue. Il nous dit que pour d'autres, ce sont les pauvres qui sont mutilés, handicapés, nous dirions aujourd'hui. Pour d'autres même, ce sont les nobles, et donc les nobles n'osent plus sortir. Et donc on garde les villes et les villages, et on ne fait rentrer que ceux qu'on connaît. Bon, je ne veux pas dire qu'ils n'étaient pas pestiférés. Mais nous dit Guy de Chauliac, il y a quoi que dise le peuple, la vérité que la cause de cette mortalité fut double, l'une agente universelle, l'autre patiente particulière. Et lui ne parle pas de la punition divine, d'ailleurs certains médecins non plus, mais il parle de ce dont tout le monde parle, de l'astrologie. C'est une grande conjonction entre Saturne, Jupiter et Mars, qui n'est intervenue non pas en 1347 ni 48, mais en 45. Donc un mauvais alignement de planète. Exactement, une grande conjonction, ce qui est très, très... Et, si vous voulez, ce n'est pas fortuit si on ressort cette cause universelle en 1348, parce que, justement, il y avait un grand développement de l'astrologie, y compris Guy de Chauliac, hein, qui s'intéressait de près à l'astrologie, et notamment à la cour d'Avignon. On avait écrit, à l'occasion de cette grande conjonction tout à fait exceptionnelle, d'un point de vue astronomique, de 1345, il y a des traités qui avaient été écrits. Et Guy de Chauliac, il nous dit que ce type de grande conjonction... fait partie des signes terribles qui annoncent des changements de règne, des advénements de prophètes et des grandes mortalités. Rémi Barbieri, de nouveau à la fac de la Timone. On va voir qui maintenant ? Donc là, on va rencontrer Stéphane Tsortis, qui est un anthropologue du laboratoire Hadès, voilà, qui travaille depuis de nombreuses années sur la peste. Est-ce que c'est lui qui, avec Michel Signoli, a fouillé les anciens charniers où ont été inhumés les cadavres de 1720 et qui donc est le maillon manquant dans la chaîne pour arriver à Vaudan ? Oui, c'est ça. Donc il a fouillé de nombreux charniers de pestiférés avec Michel Signoli, notamment le charnier du Délos à Martigues. Donc il a travaillé sur ça et établi justement la courbe démographique de la ville de Martigues avant et après la peste. Stéphane Tsortis, combien de sites de de fouilles ont été répertoriés dans Marseille qui correspondaient à autant de charniers? Alors, de sites de fouilles à ce jour, à Marseille, on en a deux. Mais par ailleurs, on sait, par les documents d'archives, qu'il y a au moins 27 lieux, quelque part dans la périphérie de la ville, dans lesquels on a aménagé des fosses pour enterrer les pestiférés de cette épidémie de 1720-21-22. Vous avez fouillé où et en quelle année? Alors, donc moi j'ai fouillé donc ces deux sites, hein, ces deux fouilles, une en 1994 et une en 2008. Moi j'ai fouillé en 2008, donc sur un site qui était attenant à la cathédrale de Marseille, hein, donc à la Sainte-Marie Majeure, la Major, donc sur l'esplanade qui se trouve devant la cathédrale, qui aujourd'hui est aménagée en espace de déambulation. On peut regarder les photos que vous avez prises à l'époque. Oui, bien sûr. Voilà, une petite bande de terrain résiduelle, donc qui mesure 6 mètres de long pour 1,50 m de large. Alors, c'est totalement artificiel, je dirais. C'est le résultat, hein, de l'évolution ultérieure du site, puisque, en fait, cette bande de terrain, c'est un morceau d'une fosse, probablement plus longue et plus large, mais qui a été recoupée par la suite, hein, par des constructions plus récentes. Ce qui se passe ici, dans ce cas-là, alors qu'on a effectivement commencé à aménager des fosses à l'extérieur de la ville, hein, sur les pourtours, près des principales portes de la ville, c'est qu'on a affaire à une telle recrudescence de cadavres, et on a surtout de tels problèmes de transport des cadavres depuis leur lieu de décès jusqu'à leur ultime résidence, si je puis dire, qu'on a à un moment donné, on a été obligé d'aménager des fosses intramuros, et là où c'était le plus pratique. Alors, si on zoome avant, on a une accumulation d'ossements. Et c'est pas une accumulation d'ossements en vrac, ça correspond à des squelettes qui sont en place, en connexion anatomique, mais qui sont jetés les uns sur les autres. On voit notamment ici en particulier, vous avez carrément un individu donc qui a son tibia dans la bouche, dans le crâne d'un autre individu. Donc ça, c'est complètement, ça traduit vraiment ce contexte d'urgence à inhumer, ce contexte de tragédie sanitaire. La peste va frapper indistinctement toutes les classes sociales, toutes les catégories d'âge, de sexe. Et donc, au final, dans un ensemble funéraire, vous allez avoir une composition qui va refléter ce qu'est une population vivante lorsqu'elle est touchée par la peste, et pas la mortalité archaïque. Et donc, c'est ça, c'est cet ensemble, ce faisceau d'éléments qui, après, nous conduisent à dire ben, cette série-là, ostéo-archéologique, elle est intéressante et elle peut être exploitée dans le cadre de recherches paléomicrobiologique pour rechercher le bacille de la peste. Rémi Barbieri, on est devant une porte, une unité D. Rickettsii. Et alors, c'est quoi ça? Donc, c'est le laboratoire dans lequel je fais ma thèse. On va voir Michel Roncourt, mon directeur de thèse. Voilà. Eh bien, ici, nous sommes dans l'unité des Rickettsii, faculté de médecine Marseille, qui est en train de déménager dans un nouveau bâtiment, qui est le bâtiment de l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection, qui est situé à quelques dizaines de mètres sur le même campus de la Timone. Et donc cette unité de recherche est consacrée aux maladies infectieuses, aux microbes, et c'est dans cette unité que je réalise mes travaux de recherche avec les étudiants depuis un peu plus d'une trentaine d'années, sous la houlette de Didier Raoult, qui est le directeur de cette unité. Rickettsii en français facile, ça veut dire quoi? Rickettsii en français facile sont des petites bactéries, toutes petites, qui vivent à l'intérieur des cellules et qui sont transmises en particulier par des tiques, et qui sont des petites bactéries qui vont entraîner de la fièvre et des éruptions cutanées chez les personnes qui sont infectées. Yersinia pestis, c'est le nom du bacille tueur de la peste identifié en 1894 à Hong Kong par Alexandre Yersin, qui donc lui a donné son nom. Mais ça ressemble à quoi le bacille de la peste? Est-ce que vous pouvez nous le montrer? Alors le bacille de la peste, c'est une bactérie, donc c'est un petit être vivant que l'on n'arrive pas à voir à l'œil nu, et donc pour voir le bacille de la peste, il nous faut absolument un microscope. Mais sous le champ du microscope où nous allons aller, eh bien on voit que c'est une bactérie, c'est-à-dire qu'une seule cellule forme l'être vivant en soi. Nous sommes formés de milliers et de milliards de cellules, là une seule cellule suffit à faire un bacille de la peste. C'est un être vivant qui est millimétrique, il mesure environ un millimètre. Et puis, comme vous le voyez sous le champ du microscope, eh bien, lorsque l'on utilise des colorations spécifiques, il va être coloré en rouge. Et donc, ça donne de jolis bâtonnets rouges que l'on voit sous le champ du microscope. Si c'était l'œuvre d'un peintre, ça serait qui le peintre ? Je ne sais pas, un peintre expressionniste, je pense, du fait de la couleur rouge assez flamboyante finalement de ce micro-organisme et puis quand même de sa connotation, puisque ça reste un des grands tueurs actuellement. Michel Rancourt, quand et pourquoi avez-vous commencé à vous intéresser à la peste dans votre parcours ? Alors, en réalité, au départ, la question était une question somme toute modeste. Hein. Il s'agissait de confirmer, oui ou non, s'agit-il de la peste, c'est-à-dire d'une maladie infectieuse mortelle causée par cette petite bactérie que nous avons décrite précédemment, Yersinia pestis. Donc c'était ça. En réalité, vous voyez, il s'agissait de faire du diagnostic. Mais simplement, au lieu de faire du diagnostic sur des patients contemporains, il s'agissait finalement de faire un diagnostic sur des personnes décédées depuis plusieurs siècles, et donc sur les restes squelettiques de ces personnes. Mais fondamentalement, il s'agit de faire du diagnostic. Nous sommes venus avec d'autres questions qui sont toujours en cours de travail actuellement, qui sont plus précisément quelles sont les sources de Yersinia pestis pour les populations de Marseille, par exemple, ou de France ou d'Europe. Quand vous dites source, Michel Rancourt, est-ce que vous dites réservoir ? C'est-à-dire, est-ce que le sol, comme réservoir du bacille, et non pas le rat ? Les questions qui se posent pour nous actuellement sont effectivement ces questions de réservoir, c'est-à-dire quel est le milieu naturel dans lequel le bacille de la peste, Yersinia pestis, vit naturellement, se multiplie naturellement. Quel est son biotope naturel ? Et en effet, nous avons avancé récemment dans ce laboratoire en montrant que non seulement il s'agissait du sol, ce qui était quelque chose qui était déjà connu dans la littérature médicale et scientifique, mais qui reste controversé parce que certains scientifiques ne lisent pas en réalité ce qu'ont écrit leurs prédécesseurs, ils préfèrent bâtir leurs propres connaissances sans tenir compte des connaissances préalables. Donc le sol avait déjà été en réalité décrit, mais nous avons avancé un petit peu en montrant qu'au moins dans certaines régions du monde, en particulier au Maghreb par exemple, très précisément en Algérie, eh bien c'est le sol salé de ce qui s'appelle les chottes en Algérie, qui sont donc des étendues de sol salé qui peuvent être asséchées en été et redevenir des marigots, des marécages à la saison des pluies, et bien que ce sol salé, modérément salé, pouvait contenir la bactérie Yersinia pestis. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le réservoir, c'est-à-dire le biotope, l'écosystème dans lequel la bactérie vit naturellement. Ensuite, on va parler de sources qui sont plus précisément les dérivés du réservoir à partir desquels précisément les personnes s'infectent. Si l'on revient à l'actualité maintenant du Maghreb, de l'Algérie, par exemple, eh bien, actuellement, les populations qui souffrent de peste au Maghreb sont des populations nomades. Et en réalité, ces populations nomades ne se contaminent pas directement à partir du sol. Elles se contaminent à partir des camélidés, des dromadaires, qui sont infectés par Yersinia pestis, lesquels dromadaires, très probablement, eux, s'infectent à partir du sol. Donc vous voyez, le réservoir, c'est bien le sol, mais la source d'infection, par exemple pour les populations nomades, ça n'est pas le sol, c'est le dromadaire. Donc on va faire une petite différence, vous voyez, entre réservoir et source. La source, le dromadaire, elle-même ingérée par ces populations. Oui, tout à fait. Les populations nomades du Maghreb mangent la viande du dromadaire qui est mort de peste. Le dromadaire est un animal qui, comme l'homme, est sensible à la peste, qui va mourir de peste. Le dromadaire conserve une valeur symbolique et même une valeur pécuniaire importante pour les populations nomades. Et donc, au lieu de laisser le cadavre de l'animal mort, en réalité, le cadavre va être dépecé et donc la chair, en particulier le foie, va être consommée. Il se trouve que si la chair et si le foie du dromadaire est consommé très peu cuite, eh bien, à ce moment-là, ce foie qui contient beaucoup de bactéries Yersinia pestis va être une source de contamination et va entraîner une peste mortelle chez les personnes qui le consomment. Et donc, il y a quelques épidémies qui ont été décrites au Maghreb depuis une dizaine d'années qui sont liées à la consommation de viande de dromadaire mal cuite, en particulier de foie de dromadaire mal cuit. Donc ça, c'est l'actualité de la peste actuellement dans cette région du monde. Elisabeth Carniel, 40 000 cas signalés par l'OMS sur ces 15 dernières années. Est-ce que la menace n'a pas été éradiquée ? La réponse est facile, c'est clairement non. Et risque de ne pas l'être dans un avenir lointain même. Il y a deux choses à la fois en parallèle. Il y a la persistance de la peste, et dans le cas de Madagascar, qui est le plus gros foyer de peste actuellement dans le monde, la peste, il y en a tous les ans. Depuis qu'elle a été importée lors de la troisième pandémie en 1898, il y a pratiquement tous les ans, depuis cette époque, eu des cas de peste. Et depuis les 20 dernières années, il y en a plusieurs centaines tous les ans. Et dans un certain nombre de pays, dont les États-Unis par exemple, il y a des cas de peste aux États-Unis tous les ans, en beaucoup moins grand nombre, quelques... je dirais une dizaine en général, mais il y en a tous les ans aux États-Unis et on ne l'éradique pas non plus, on n'est pas capable de l'éradiquer. Et les antibiotiques ? Ça marche pour traiter les cas humains, mais ce qu'il est très important de comprendre, c'est que la peste n'est pas une maladie de l'homme. La peste est une maladie des rongeurs et elle est transmise par les puces. Elle est revenue, la peste, en Libye quelques années plus tard, en 2012, si je ne dis pas de bêtises, après 25 ans de silence. Elle est revenue en 2015, en Russie, où il n'y avait pas eu de cas depuis au moins 30 ans. Au Kyrgyzstan, pareil. En Jordanie, où il n'y avait pas eu de cas depuis 80 ans. On l'a déclaré en Afghanistan, on n'avait jamais déclaré un cas de peste. Tout ça depuis le début des années 2000. Donc elle réémerge dans beaucoup de pays, potentiellement favorisée par le réchauffement climatique. Voilà, j'allais vous demander quelles sont les conditions qui favorisent la réémergence, ou on pourrait dire les retrouvailles avec la peste, puisque si elle est là, elle n'est pas partie. Elle est là. Le Kazakhstan, par exemple, est un énorme territoire de peste, la Chine également. Mais la peste, là encore, sévit dans des zones arides, reculées, où les rongeurs ne sont pas en contact avec l'homme. Et donc, ça limite beaucoup le nombre de cas humains. Donc, il ne faut pas se fier aux cas humains qui ne sont que la toute petite pointe de l'iceberg, avec tout ce qu'il y a en dessous et qui est là. Michel Rancourt, on a bien compris les enjeux des travaux menés par votre étudiant Rémi Barbieri sur les modes de contamination de la peste à Marseille en 1720. Mais est-ce que ces recherches ont une finalité avec l'actualité de la bactérie, si je puis dire, qui a touché, selon l'OMS, 40 000 personnes ces 15 dernières années ? En travaillant en paléomicrobiologie, nous avons compris que l'épidémie de Marseille de 1720, 1721, 1722 ne pouvait pas être expliquée uniquement par un scénario qui fait intervenir les puces des rats de Marseille au XVIIIe siècle et la population de la ville au XVIIIe siècle. Ce n'est pas imaginable que 50 000 personnes décèdent en 6 mois avec un scénario qui ne fait intervenir que les rats et que les puces. Il a donc fallu que on se creuse un petit peu la cervelle pour trouver des scénarios alternatifs. Et ce que l'on a compris, c'est qu'en réalité, eh bien, au Marseille du XVIIIe siècle, la transmission de la peste se faisait de personne à personne par les poux de corps de l'homme. Donc ce qui se passe, c'est qu'au moment où une personne décédait de peste, les poux de corps qui, contrairement à leur nom, ne vivent pas strictement sur le corps de la personne, mais plus exactement dans les vêtements qui sont au contact, ce que nous appelons aujourd'hui les sous-vêtements. Donc en fait, ces poux vivent dans les sous-vêtements, et ce qui se passe, c'est que ces poux sont tout à fait infectables eux aussi par Yersinia pestis. Lorsqu'une personne décédait de peste, eh bien les édiles de la ville, le maire, les conseillers municipaux à l'époque, les édiles, prescrivaient comme rétribution des personnes qui s'occupaient des cadavres de récupérer ce qu'on appelait les hardes. Et les hardes, c'est les vêtements d'une part et également la literie. Et donc ce qui se passait, c'est que les personnes saines, en s'occupant des cadavres, récupéraient les sous-vêtements pleins de poux de corps, pleins de Yersinia pestis, et c'est ce poux de corps qui transmettait la peste. Et donc on comprend, si on accepte cette hypothèse de la transmission par les poux de corps, on comprend à ce moment-là la flambée épidémique monstrueuse qui s'est produite dans notre ville, comme ça s'est produit ailleurs en Europe. Bon, ce sont, si vous voulez, des éléments que l'on a établis par l'observation, que l'on a établis par modèle animal. 1945, c'est la dernière occurrence de la peste en Corse, dans notre pays. Est-ce que, en 2017, des conditions d'insalubrité à Marseille, avec des poubelles, des rats, pourraient conduire, si on faisait de la politique fiction, à une réémergence de la peste dans votre ville ? Ma réponse est oui, si l'on reprend donc notre scénario de poux de corps. Donc si l'on introduit dans une région comme Marseille la peste, c'est possible. Les moyens modernes de transport font en sorte qu'il n'est pas complètement inimaginable qu'une personne, par exemple, débarque de l'avion à l'aéroport de Marignane, qui est à côté de Marseille, en provenance, par exemple, de Madagascar, en phase d'incubation de la peste. Ou d'Algérie. Ça n'est pas strictement impossible. Donc on peut imaginer que cette première chaînon soit possible. Et si cette personne est introduite dans des populations de notre région qui ont des poux de corps sur eux, eh bien il y a la possibilité, oui, de mon point de vue, d'une petite épidémie. Et les populations qui ont de poux de corps à Marseille, comme malheureusement dans beaucoup de grandes villes d'Europe, eh bien ce sont les populations sans domicile fixe, par exemple. Et donc ces populations sont exposées aux maladies transmises par le poux de corps. On parle de la peste, qui est le sujet qui nous intéresse cet après-midi, mais ce poux de corps transmet d'autres microbes extrêmement dangereux pour l'homme, par exemple le typhus. Et nous avons eu, pour tout dire, nous l'avons publié dans la littérature médicale, une alerte il y a quelques années sur le typhus. Et donc c'est exactement le scénario que vous venez de décrire, une personne en provenance d'Algérie, parce qu'il y a du typhus actuellement en Algérie, qui est une personne qui s'est retrouvée dans un foyer de personnes sans domicile fixe, qui a déclenché un typhus dans une population pleine de poux de corps, c'est-à-dire dans une population extrêmement vulnérable à ce type de microbes et de maladies mortelles. Donc, bien sûr, ça, c'est de la médecine fiction, de la science-fiction, mais ça n'est pas strictement impossible. Elisabeth Carniel, la peste bubonique, on peut la soigner. La peste pulmonaire, on en meurt en 3 jours. Toujours en 2017 ? Oui, si on a des traitements aussi bien pour l'une que pour l'autre. Mais simplement, la différence pour la peste pulmonaire, c'est qu'elle est tellement rapide que très souvent, on n'a pas le temps de mettre en place les traitements et que les gens meurent. Donc dans les formes de peste, qu'elles soient buboniques ou pulmonaires, très souvent, les premières personnes meurent. Dans la peste bubonique, quand on commence à avoir un bubon, on a souvent encore le temps de traiter. Dans la peste pulmonaire, quand on commence à avoir les signes pulmonaires, c'est déjà trop tard. Elisabeth Carniel, l'actualité, c'est qu'on parle de maladies émergentes, Ebola, Zika. Est-ce que la peste, c'est une maladie réémergente? Et est-ce que dans votre réseau international, vous voyez que les pouvoirs publics internationaux, les gouvernements, les industriels, les grandes fondations sont prêtes à se mobiliser et donc à mettre de l'argent pour combattre à nouveau la peste? Oui, la peste est une maladie réémergente, ça ne fait absolument aucun doute. Elle est classée ainsi et tout le monde l'admet, l'accepte. De là à dire que les industriels ou gouvernements ou autres sont prêts à mettre de l'argent dedans, c'est autre chose. Et nous en sommes, nous sommes face à ce problème au quotidien parce que nous avons mis au point un vaccin contre la peste. Il n'y en a pas actuellement. Et ce vaccin ne serait intéressant que pour une population actuellement relativement limitée, plutôt pauvre, les endroits où il y a des foyers de peste. Donc le vaccin que nous avons développé est extrêmement efficace, le plus efficace connu que l'on puisse avoir mis au point jusqu'à présent. Mais nous sommes actuellement face au fait que nous ne trouvons pour l'instant pas de compagnie, d'industriels ou d'organismes qui seraient prêts à financer les phases cliniques nécessaires, qui coûtent cher, pour pouvoir aller jusqu'au stade de l'utilisation chez l'homme. Michel Rancourt, est-ce que dans l'actualité de vos réflexions, il y a aussi un scénario terroriste sur lequel vous travaillez ? Oui, tout à fait. Alors, nous disposons ici d'un laboratoire P3 dans le nouveau bâtiment IHU dans lequel nous sommes en train de déménager. Nous avons 1000 mètres de laboratoire en classe 3, ce qui en fait le plus grand laboratoire P3 d'Europe. Il ne s'agit pas évidemment de laisser sortir, entre guillemets, ce microbe hautement pathogène en dehors de laboratoires extrêmement confinés dans lesquels le personnel sait exactement comment se comporter et dispose de mesures de protection pour ne pas risquer d'être contaminé par ce type de micro-organismes. Et puis par ailleurs, un certain nombre de laboratoires dont le nôtre, font partie d'un réseau que l'on appelle un réseau biotox, c'est-à-dire sont en réalité mobilisables en l'espace de quelques heures pour faire le diagnostic d'un certain nombre de risques bactériologiques. La peste en fait partie, il y en a d'autres. Et donc, notre laboratoire, sous la houlette de Didier Raoult et puis du professeur Bernard Lascola, est un laboratoire qui fait partie de ce réseau national et qui, effectivement, peut être mobilisé en l'espace d'une heure ou deux pour faire du diagnostic, ce qui nous est arrivé au cours des dernières années. On a décrit avec Luc Georget au Musée des Beaux-Arts les ravages de la peste immortalisée par Michel Serres. Ces images de corps mourants, vous les avez en tête. Est-ce que, quand vous travaillez sur ces exercices de biotox, ces images vous reviennent à l'esprit ? Oui, bien sûr. Je dirais que l'ensemble de ces travaux s'inscrit dans une histoire de notre ville. C'est-à-dire qu'il se trouve que notre ville et notre région a beaucoup souffert, en effet, des épidémies de peste, des épidémies de fièvre jaune, de variole, de choléra, qui étaient mis en littérature par Jean Giono, porté à l'écran. Donc nous sommes dans une région qui, probablement du fait de son exposition maritime, du fait que Marseille est un grand port ouvert sur l'Asie et sur l'Afrique depuis plusieurs siècles, fait en sorte que notre région est donc exposée et a souffert des épidémies. Et donc en réalité, on s'inscrit, vous voyez, dans une continuité historique qui fait en sorte que, au-delà du hasard, il y a peut-être aussi une part de détermination liée à l'histoire et à la géographie également de notre région, une sorte de mémoire que nous avons plus ou moins claire de nos prédécesseurs. La peste est de retour chez nous, il faut brûler la ville. La mort à l'heure au rendez-vous, barricadez vos filles. Oh, elle est belle. Michel Goury. On a quitté le cours Balzins qui coupe la rue de la Canebière vers le Vieux-Port. On a remonté, on est rue de la Bibliothèque et face à nous, qu'est-ce qu'il y a ? Mais nous avons une tour qui s'appelle la colonne de la peste, qui est très peu connue par les Marseillais et qui est certainement le véritable symbole dans tout ce qui est représentation extérieure de ce qu'était cette épidémie. Alors cette colonne, c'est pas un mémorial aux morts de la peste, c'est un mémorial à ceux qui ont aidé les habitants de Marseille. Et qu'est-ce qui a marqué au pied de cette colonne ? Alors on peut lire « À l'éternelle mémoire des hommes courageux dont les noms suivent. Langeron, commandant de Marseille. Depile, gouverneur Viguier. De Belzins, évêque. Estelle, premier échevin. Moustier, Audimard, Dieudet, ce sont les trois autres échevins. Rose, commissaire général pour le quartier de Rive-Neuve. Millet, jésuite, commissaire de la rue de l'Escale, principal foyer de la contagion. Serre, peintre célèbre, élève de Puget. Rose l'aîné, Roland, intendant de santé. Chiquano, Verny, Pessonnel, Montagnier, Bertrand, Michel et Dédier, médecins. Ils se dévouèrent pour le salut des Marseillais dans l'horrible peste de 1720. Donc ici c'est Marseille, voilà, et est-ce que les Marseillais d'aujourd'hui, qui crient leur amour de leur ville, connaissent cette colonne de la peste selon vous, Michel Goury ? Non, moi je la redécouvre après 20 ans ou 30 ans. Non, à mon avis les Marseillais ne se souviennent pas de cette colonne et surtout de ce qu'elle représente. La peste, fléau d'hier, péril d'aujourd'hui, avec Elisabeth Carniel, directrice de recherche à l'Institut Pasteur, Daniel Jacquard, spécialiste de la médecine médiévale, Michel Drancourt, responsable du laboratoire de microbiologie à l'hôpital de la Timone, à Marseille, Michel Goury, auteur de Un homme, un navire, la peste de 1720 aux éditions Jeanne Lafitte, Luc Georget, directeur du musée des Beaux-Arts de Marseille, le chercheur Stéphane Sortsis et Rémi Barbieri, étudiant en thèse. Merci à Laurent Védrine, directeur du musée d'histoire de Marseille. La série documentaire, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomarède. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay et podcast contagieux, c'est sur la page de l'émission, sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Annise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Instagram, n'hésitez pas à nous laisser des messages. Demain, deuxième épisode, Ebola, 40 ans d'épidémie.